C'est un été fascinant de beauté, l'ombre sous les pieds, à peine passé, c'est un doux regarde-toi, c'est te voir devenir celle que tu n'aimes pas. Il est beau pourtant ce ciel, mais tu penses trop aux affaires qui te perturbent la tête. Tu pourrais profiter, mais tu ne le fais pas. De voiture, il suffit, la fille, il suit la ligne, les motos doublent, les camions traînent, les parents au volant, et derrière tu t'ennuies, on s'emmerde en voiture, pourtant on se prend pour des rois, l'autoradio à fond, avec toujours un bide de merde, tu es du ciel, à derrière de chez mon cul, tu sais j'en ai rien à branler, tu peux t'acheter ce que tu veux. Que tu peux te l'acheter. C'est une 4 que tu déplaces. Il y a fait, y'a bien d'autres qui ont la même. Tout le monde a la même exemplaire. On achète tous les mêmes merdes, les mêmes merdes, les mêmes portraits, les mêmes portraits, les mêmes objets, les mêmes vêtements, les mêmes forfaits. On aime les mêmes gonzesses, on a la même vision du monde, celle qui est donnée par la télé, par les médias, par internet, par les informations qu'on paye. Y'a que la désinformation qui est gratuite pour la culture. Il te faut du blé, et les petits bourgeois te parlent de livres que tu ne pourras jamais te payer. Te parle de gens, te parle de ci, te parle de ça. Ils sont tous cons, ils n'en savent rien. Ils ont tous appris la même chose. Ils n'en savent rien, ils ont tous la même opinion. Ils sortent tous le même refrain. Même refrain, ils n'en savent rien. On parle tous pareil. Bonté.